fallait qu'il ait raison, qu'il ait tort ou bien non. Le vieil anarchiste qui hurlait dans ma rue, son maigre poing tendu, sa liberté, sa voix ferrée. Tu aurais pu sans doute contester ses manières, mais lui, coûte que coûte, les aurait vendues cher. C'était ainsi qu'allait sa vie. Il reprisait son passé à coups de vérité, à peine enfantine, lorsque d'une voix blanche il récitait des tranches de la vie vraie qu'il s'inventait. Tu aurais pu sans cesse le soupçonner d'ivresse, mais toujours victorieux, jeune d'entre les vieux, c'était ainsi qu'allait sa vie. Il marchait sous la bannière de ses longs cheveux clairs, comme neige grise, et dessous sa chemise, aucun bijou vulgaire à vénérer au nom du Père. À genoux devant Dieu, pour aucune ève au monde fut-elle fruit glorieux d'une autre map monde. C'était ainsi qu'allait la vie. S'il te semble un peu vaincu, comme s'il n'existait plus le vieux polémiste, gamin, regarde-toi, tu as 30 ans déjà, ta liberté, tu la lui dois. Tu aurais pu sans doute contester ses manières, mais souvent dans le doute, s'abstenir est moins cher, et c'est ainsi que va ta vie. C'était ainsi qu'allait sa vie.